Le mort va venir, écoutez. Elle est pleine d'une foule prosternée et silencieuse. Seuls sont debout, sur les marches de porphyre rouge qui descendent jusqu'à ce peuple, d'abord les trois gardiens du temple aux trois crânes incroyables. Ils sont habillés de robes de vigogne. Derrière eux, un degré plus bas, debout aussi, se tient Raskar, les bras croisés sous son ponche rouge. Et puis, plus bas encore, à l'autre degré, il y a quatre ponches rouges prosternées. Ce sont les veilleurs du sacrifice. Leurs têtes, recouvertes du bonnet sacré à oreillettes, sont si courbées sur la pierre qu'on ne voit point leur visage. Thérèse n'a point plus tôt aperçu cette foule qu'elle ne peut croire qu'il ne se trouvera point là quelqu'un pour la délivrer. Elle se lève avec l'enfant dans les bras, elle crie « Délivrez-nous, délivrez-nous !» Mais un immense cri lui répond « Muera la Kwaya, Muera la Kwaya !» Il lui donne son nom de reine en Aymara Quichua, mais il l'avoue à la mort en espagnol, pour qu'elle comprenne bien qu'elle n'a rien à attendre de leur pitié. « À mort, la reine !» Les quatre mamakonas qui sont à droite, les quatre mamakonas qui sont à gauche, et les deux autres qui doivent mourir, qui sont devant elle, lui font reprendre sa place sur son siège. Mais elle se débat encore, elle se dresse encore, elle lève au-dessus de sa tête le petit Cristobal, elle crie « Que celui-là au moins soit sauvé !» Mais tous reprennent « Celui-là est pour Capahuamac, celui-là est pour Capahuamac !» Et les douze mamakonas chantent. Au commencement, avant le dieu soleil et sa sœur la lune, son épouse, il y avait Capahuamac qui était l'esprit, le pur esprit. « Il faut du sang pur à Capahuamac, » répondent en chantant les assistants, et puis l'un d'eux ayant crié encore « Celui-là est pour Capahuamac !» Raskar se retourna et le fit taire. Ils étaient tous debout maintenant, excepté les quatre ponches rouges, toujours prosternées, veilleurs du sacrifice. Les souffleurs de Kenas faisaient un bruit terrible avec leurs os de flûte de mort. Bientôt on n'entendit plus qu'eux, car leur bruit avait eu raison de tous les bruits. Marie-Thérèse, effondrée, vaincue, ne criait plus, ne résistait plus. Aucune voix, aucun signe n'avait répondu à son appel. Cristobal et elle étaient perdus. Elle demanda dans un souffle aux mamakonas qui l'entouraient. « Allumez au moins les parfums, nous ne souffrirons pas. » Mais les deux qui devaient mourir avec elle lui dirent « Nous devons mourir de tout notre esprit et de tout notre cœur. Pour revivre avec tout notre esprit et tout notre cœur, on n'allumera pas les parfums. » Et voilà que les joueurs de Kenas se turent à leur tour et qu'il y eut un silence effrayant. Toute l'assemblée à nouveau se prosterne et la voix sonore de Waskar dit « Silence dans la maison du serpent, le mort va venir, écoutez !» Alors une sorte de tremblement de terre semble ébranler les murs cyclopéens, cependant que le sourd roulement du tonnerre se faisait entendre, mais au lieu de venir du ciel, il venait des entrailles même de la terre. À ce moment, le petit Cristobal tressaillit dans les bras de sa sœur et elle crut que c'était de peur. Mais il lui dit à l'oreille « Regarde, Marie-Thérèse, regarde les quatre ponches rouges !» Alors elle leva sa tête appesantie et regarda, et elle aussi tressaillit. Pendant que, sous le coup de l'effroi causé par ces étranges phénomènes, toute l'assistance était courbée sur les dalles, quatre têtes apparaissaient, soulevées, tendues vers Marie-Thérèse, et sous leurs bonnets à oreillettes, sous les cheveux qui balayaient leur visage tanné, bruni par les fards indiens, l'épouse du soleil venait de reconnaître son fiancé, son père, Natividad, et l'oncle François Gaspard. Une joie immense inonda son cœur. Le petit Cristobal et elle se serrèrent éperdument. Les quatre bonnets des quatre ponches rouges étaient déjà retombés sur les dalles pendant que toute l'assistance relevait la tête au cri poussé par Waskar, annonciateur du roi défunt Huanacapac. Tandis qu'un nouvel ébranlement de la terre semblait secouer tout l'édifice, Waskar, les bras tendus vers la muraille qui s'entr'ouvrait, criait à Marie-Thérèse « Aquí está el morto ! Voici le mort !»